Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le film culte de Mathieu Kassovitz, La Haine. C'est à moi qui parle, putain! Il n'y a pas de mystère, si le film est toujours là aujourd'hui, c'est pas parce que je suis génial, c'est parce que la cohésion de l'ensemble des gens était parfaite. Et on était là tous les jours sur le tournage, tout le monde savait qu'on faisait un film exceptionnel. Mathieu Kassovitz, en juillet 2020, au moment de la sortie d'une version restaurée de son film La Haine, à l'occasion du 25e anniversaire de ce film qui est devenu culte. Dès sa sortie, en 1995, La Haine est un succès critique, en plus de triompher en salle. Le film qui remporte le prix de la mise en scène à Cannes et qui est en nomination pour 11 Césars va attirer plus de 2 millions de spectateurs à sa sortie. Film culte, oui, mais film choc aussi. La Haine va provoquer de vifs débats au sein de la société française. La Haine est un film qui raconte 24 heures de trois jeunes gens de la banlieue, mais c'est aussi, à l'évidence, un film anti-flic. C'est pas un film anti-policier dans le sens primaire du sujet, c'est un film anti... le système qui fait que la police est comme elle est. C'est-à-dire que les policiers ont des armes, ils n'ont pas la formation nécessaire, ils ne sont pas assez payés, ils travaillent dans des conditions difficiles, et malheureusement... ils sont obligés d'obéir à une hiérarchie, à un ordre, et ça tue l'individualité, et puis forcément ça mène des bavures. Vous n'avez pas la haine des flics? C'est-à-dire que j'ai pas la haine des flics quand ils viennent. Il y a des bons flics, il y a des mauvais flics, j'ai la haine des mauvais flics, ouais. Sur un mix devenu célèbre où DJ Cut Killer superpose, vous l'avez entendu, les airs de Nick Lapolice de NTM et de Non, je ne regrette rien d'Édith Piaf, vous entendiez Mathieu Kassovitz à l'émission de Bernard Pivot, Bouillon de culture en mai 1995, au moment où son film vient de triompher au Festival de Cannes. Pour nous raconter l'histoire de ce film qui a été marquant, le film La Haine, je reçois Hélène Faradji, qui est chroniqueuse cinéma et dimestre à la section cinéma du site web de Radio-Canada. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour, Jacques. Qu'est-ce qui fait, Hélène Faradji, de ce film, La Haine, le film marquant qu'il a été? C'est seulement le deuxième film de Mathieu Kassovitz. Il est très peu connu à l'époque et c'est vraiment un film qui va avoir l'effet d'une bombe. Pourquoi? Parce qu'il est un instantané de ce qui se passe dans les banlieues françaises à cette époque-là, donc au milieu des années 90. Et cette situation des banlieues, bien, les médias en parlent peu ou en tout cas n'en parlent pas comme ça, pas comme le film, au point même que le président Jacques Chirac et son premier ministre vont demander une projection. C'est un film qui, instantanément, va intéresser tout le monde. Les médias, les politiques, les jeunesses, les cinéphiles, parce que c'est un film qui, artistiquement, est aussi très abouti. Oui. Bref, ça va devenir un vrai phénomène de société et qui va ouvrir la voie à de nombreux films qui vont traiter ensuite de la situation des banlieues. Et ce film qui marque donc son temps et qui marque la cinématographie française, il est fait, vous le disiez, par un tout jeune réalisateur. Deuxième film pour Kassovitz au moment où il réalise La Haine. Il en est où, de fait, dans sa carrière au moment de La Haine? Mais il est au tout début de sa carrière. Lorsqu'il commence à préparer ce film, La Haine, il a 25 ans. Il a 27 ans quand le film sort. Il a fait un premier film qui a été remarqué, mais dans les cercles cinéphiles, qui s'appelle Métis. Et il commence à ce moment-là à penser à son deuxième film qu'il souhaite adapter d'un court-métrage qu'il a fait, qui s'appelle Assassin. Mais finalement, Assassin, ce sera son troisième film parce qu'a lieu dans la société française une bavure policière qui va complètement changer les plans de Kassovitz. C'est l'affaire Makomem Bouawole, un jeune homme de 17 ans qui est mort pendant une garde à vue. Et c'est un vrai problème en France. Depuis 1981, on compte à peu près 300 bavures policières. Il va y avoir des manifestations énormes en France, un petit peu partout, pour dénoncer la situation. Et Kassovitz va y participer. Et à partir de ce moment-là, va décider de faire un film sur la situation des violences policières et des banlieues. Donc il arrive à convaincre son producteur de faire un film sur la brutalité policière, sur le racisme, sur la jeunesse dans les banlieues. Et en fait, cet ancrage dans le vrai, dans l'authentique, dans le réel, il va l'utiliser jusque dans son film, puisque le générique du film, ce sont des images d'archives, des couvertures médiatiques des différentes manifestations, donc celle qui concernait M. Mbouaoulé et celle de Malik Houssekine, qui est une bavure policière de 1986. Il y a de bons flics, tu vois, mais un bon skin, c'est un skin mort. Tire. Vas-y, shoot-le. Vas-y, tire, tu nous as fait chier toute la journée. Vas-y, tire maintenant, putain. C'est toi qui as le calibre, non? Tiens, regarde. Arrête. Mais putain, tire. Tire, putain. Abdel est mort maintenant. Tu peux le venger. Venge Abdel. Vas-y, tire. Alors, vous nous le disiez à l'instant, Hélène Faradji, c'est une affaire très médiatisée qui fait la manchette, donc qui est l'étincelle à l'origine de ce film, La haine, dont on vient d'entendre un extrait. Qu'est-ce que ça raconte, le film de Kassovitz? En fait, le film raconte 24 heures dans une cité, la cité des Muguets, après une nuit d'émeute. Donc, à partir du moment où toute la cité se réveille, cette nuit d'émeute, elle a fait un blessé et trois amis, comme ça, vont essayer de passer le temps, ou en tout cas de survivre dans cette journée particulière. Il s'agit d'Hubert, Saïd et Vince. Et en séquence, Kassovitz va raconter leur journée, alors qu'on apprend qu'un des policiers qui a participé à l'émeute la veille a perdu son pistolet dans la cité. Et vont se mélanger le drame, la tension, un aspect plus documentaire, mais aussi des moments un peu de flânage, d'errance, de comédie. Et tout ça est montré surtout comme une situation explosive, c'est-à-dire qu'on a l'idée d'une bombe à retardement. Et c'est la fameuse phrase choc du film qui est « Jusqu'ici, tout va bien », qui est une anecdote que va raconter Hubert, qui est donc cette histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 7 étages et qui dit « Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien ». Et c'est ce qui va rythmer le film jusqu'au dénouement tragique. Jusqu'à la chute, quand il atteint le sol pour rester dans cette image. Ce film-là, il est tourné, c'est pas banal, dans une cité de la région parisienne. C'est cette réalité que veut montrer Kassovitz et il se rend donc in situ pour tourner son film. C'est pas évident, c'est pas gagné au tout début. Racontez-nous comment se passe le tournage de La haine. Alors, effectivement, Kassovitz et toute son équipe vont s'installer dans une cité, la cité de Noé, à Chanteloup. Et, bon, au départ, ça se passe pas très bien. Dès le départ, une de leurs chambres va se faire cambrioler avec tout le matériel. Mais assez rapidement, Kassovitz va réussir à faire comprendre aux habitants de la cité qu'il ne veut pas exploiter la situation qu'ils vivent, mais au contraire, essayer d'enfin les visibiliser. Donc, petit à petit, ça va mieux se passer. Et d'ailleurs, le premier carton du générique final de La haine, ça va être un merci aux habitants de cette cité. Le vrai problème du film, il est plutôt avant même le tournage, parce que Kassovitz est quelqu'un qui est assez intransigeant et qui va refuser tout compromis. C'est un film qui a des moyens assez limités. On parle de 2,59 millions d'euros pour un film en 35 mm, en noir et blanc. Et il y aurait eu possibilité d'avoir beaucoup plus de sous si Kassovitz avait accepté quelques compromis. Par exemple, la production d'abord demande que le film s'appelle Droit de cité, qui est un petit peu moins agressif que La haine. Il va refuser. Le CNC, qui est le Centre national de la cinématographie, va lui demander une réécriture ou au moins qu'il y ait des sous-titres pour qu'on puisse bien comprendre le verlan, donc la langue que parlent ces jeunes-là, il va aussi refuser. Il va refuser d'inclure une histoire d'amour ou des personnages féminins. Il va surtout refuser que le film soit en couleur, ce que les télévisions demandent. Il va insister pour qu'il y ait un noir et blanc parce que selon lui, non seulement ça fait en sorte que le film vieillit mieux, mais aussi parce que ça évoque les actualités de guerre, qui est vraiment l'ancrage qu'il souhaite donner au film. Donc il va vraiment s'opposer à toutes les étapes étapes de fabrication du film à ce que son film ou son propos ou ses envies soient diluées ou soient, disons, rendues plus digestes. Et effectivement, c'est surtout ça qui va causer des problèmes. Ouais. Et il va avoir aussi beaucoup de difficultés à trouver une banlieue, une cité où on lui dise « D'accord, vous êtes bienvenu chez nous. » On pourrait faire presque une émission entière là-dessus, les tractations auxquelles ça a donné lieu. Vous disiez, il est intransigeant, Mathieu Kassovitz, bien sûr, parce que ça fait partie de lui, de sa personnalité, de ce qu'il est, mais aussi parce qu'il a une idée très, très claire de ce qu'il veut faire avec ce film-là. Absolument. Il veut, en fait, montrer la violence qui est subie par les jeunes qui vivent dans les banlieues. Alors, on n'appelle pas ça à l'époque de cette façon-là, mais ce dont il parle, c'est du racisme systémique. Oui. Hein, véritablement, il parle de brutalité policière, il parle de profilage racial, donc ces jeunes qui se font arrêter par la police sans qu'il y ait de prétexte manifeste. Et il va aussi montrer la banlieue comme un lieu abandonné. Hein, les images qu'on voit de la banlieue dans La Haine, c'est des images d'endroits en ruine, quasiment en désolation, avec une impression désertique, comme si ces jeunes-là avaient été abandonnés par la société. Donc il y a cet aspect très fort, et en même temps, il y a aussi un côté peut-être plus positif dans ce que dit le film, parce qu'il se centre sur un trio qui est multiethnique. Donc on a Hubert, un jeune homme noir, Vince, un jeune homme juif, et Saïd, un jeune homme arabe. Et c'est vraiment l'idée de montrer que la violence, elle est la même pour tous. Hein, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, il suffit qu'on habite en banlieue pour que ça nous tombe dessus. Il faut évidemment rappeler qu'on est avant le 11 septembre et que donc l'aspect... haine à des Arabes et des musulmans est peut-être pas aussi marquée à cette époque-là, mais ça installe, je pense, dans l'esprit de tout le monde, ce mythe du black-blanc-beurre qui va être repris 3 ans plus tard lors de la Coupe du monde de football en 98. La haine. Avec ses 10 nominations pour un 2e long-métrage, le film de Mathieu Kassovitz est le plus jeune de la catégorie. Déjà gratifié du prix de la mise en scène, La Haine, meilleur film cette année, d'un nouveau venu dans le cinéma, a réuni plus de 2 millions de spectateurs. Mathieu Kassovitz prépare actuellement son 3e long-métrage. Christophe Rossignon, producteur, et Hubert Koundé, acteur. Donc, tout d'abord, j'aimerais faire une spéciale dédicace à Julie, qui m'a accompagné, puis à Mathieu, Vincent, Saïd. Et j'aimerais dire que le parcours de ce film nous a tous montés très haut, trop haut peut-être, mais que jusqu'ici, tout va bien. Et que dès lors, j'ai peut-être une solution contre les atterrissages douloureux, alors que tout nous pousse aujourd'hui à devenir des professionnels de la profession. On va tenter de rester des amateurs de professionnalisme. Extrait de la cérémonie des Césars de 1996, c'est donc Hubert Koundé, l'acteur qui incarne l'un des personnages du film que vous entendiez dans cet extrait. Comment est accueillie La Haine à sa sortie en 1995, Hélène Faradji? On peut dire que jusqu'ici, tout va bien, en fait. Ça se passe effectivement. Bien. Effectivement, ça se passe très, très bien. Le parcours du film, il commence au mois de mai avec le Festival de Cannes. Le film va remporter le prix de la mise en scène, ce qui est assez rare pour un film, pour un deuxième film. Donc déjà, ça l'établit sur la scène cinéphile, mais dès la sortie en salle, effectivement, ça va avoir un succès retentissant, autant dans les revues spécialisées qui soulignent le côté très maîtrisé de la réalisation pour un jeune réalisateur, mais aussi dans les pages plus société où on s'intéresse au film comme un phénomène. Effectivement, il va y avoir 11 nominations au César, ça va gagner le prix du meilleur film. Par contre, Mathieu Kassovitz, encore avec cette bonne humeur qu'il caractérise, ne sera pas de la cérémonie qu'il a préféré boycotter parce que, selon lui, le système du cinéma français n'est pas tout à fait à la hauteur de ses ambitions. Ouais. Donc, énorme succès en France. À l'extérieur de la France, est-ce que le film va avoir quelque carrière que ce soit? Absolument, parce que il a cette réputation de film choc. Tout le monde a bien vu comment en France ce film-là a déchaîné les passions, a fait en sorte qu'on ait eu plein de débats. Par exemple, en Angleterre, ils ont les mêmes problèmes d'émeutes dans les quartiers plus populaires, plus difficiles. Le film va très très bien marcher là-bas aussi. Au Québec, il va évidemment avoir cette réputation de film événement qui va aider, mais on va aussi, là aussi, souligner la maîtrise cinématographique de ce jeune réalisateur. Et puis, aux États-Unis, le film trouve une marraine qui va encenser le film partout où elle passe. C'est Jodie Foster qui a vu le film à Cannes et qui est tombée sous le charme, qui a vraiment décidé d'aider le film au maximum. Donc, elle en parle beaucoup dans la presse. Elle veut même aider l'équipe à faire une campagne pour que le film aille jusqu'aux Oscars. Mais Kassovitz, évidemment, va refuser de participer à ce qu'il considère comme une campagne trop marketing pour lui. Ouais. Le film remporte un grand succès. En même temps, je le disais d'entrée de jeu, c'est un film qui choque, puis vous le faisiez remarquer aussi. C'est un film qui fait réagir énormément, qui dérange beaucoup de monde. Comment il est reçu, ce film-là, dans les banlieues, par exemple? Oui, alors c'est un film qui a agacé plusieurs personnes. Effectivement, dans les banlieues, il y a des projections qui vont mal se passer à Noisy-le-Grand, à Sarcelles, à Marseille. Et les politiques vont rendre le film responsable de ces, c'est pas des émeutes, mais disons de ces incidents qui se passent dans les salles. Il faut pourtant pas oublier qu'à l'époque, on est en pleine politique extrêmement sécuritaire du gouvernement et que donc c'est plus des révoltes contre ces politiques que pas pour ou par le film. Ceci dit, en banlieue, il y en a tout de même que le film fait grincer des dents parce que on accuse Kassovitz d'appropriation culturelle. Là encore, le mot n'existe pas à l'époque, mais c'est effectivement ce qu'on lui reproche. Kassovitz, c'est le fils d'un cinéaste et d'une monteuse. Il vient d'un milieu plutôt privilégié. Il est blanc, il est privilégié. Et on lui fait remarquer que cette culture de la banlieue, cette souffrance qui est vécue en banlieue, ça ne lui appartient pas. En plus, on lui reproche d'un petit peu caricaturer les choses avec ses personnages très, très marqués. On lui dit aussi que son film a 10 ans de retard sur la véritable violence qui est vécue en banlieue. Donc, c'est très bien reçu parce que c'est un film phénomène, mais on sent tout de même, notamment en banlieue, que le film fait un petit peu grincer des dents. Ceci dit, grâce à la bande sonore du film qui va être inspirée par La Haine et qui va sortir quelques mois après la sortie du film, on va aussi révéler toute une nouvelle génération de rappeurs, au-delà de IAM et de NTM que tout le monde connaît, Ministère Amer, Assassin, Les Sages Poètes de la Rue, tous ces gens-là vont finir par devenir des figures emblématiques du rap français grâce à la sortie de La Haine. Bon, on a parlé évidemment de ce que le film a pu susciter dans les cités, dans les banlieues françaises. Je suis curieux de voir comment les policiers reçoivent ce film-là. Oui, là, on sent que le film a touché un nerf parce que la police s'est vraiment sentie attaquée par le film qu'elle a reçu comme un brûlot. Et dès la présence du film au Festival de Cannes, ça va se sentir parce que les policiers qui sont sur les côtés des grandes marches rouges qu'on voit, vont tourner le dos à l'équipe dès que le film va être présenté. Il va aussi y avoir une plainte du ministre Jean-Louis Debré, qui est le ministre de l'Intérieur à l'époque. Et il va porter plainte contre la sortie de ce disque de rap justement inspiré par le film parce qu'on y trouve une pièce qui s'appelle « Sacrifice de poulet », qui est directement une attaque contre les policiers. Ouais. Ce film-là parce qu'il connaît un grand succès, va être très important pour Mathieu Kassovitz, bien sûr, pour, je pense, à Cassel aussi, qui va vraiment bénéficier beaucoup de... C'est un peu le tremplin de sa carrière. Puis il faut dire que c'est un bon film. On revient là-dessus un petit moment, Hélène, mais sur la réalisation du film, l'aspect, les qualités cinématographiques de La Haine. Absolument, parce qu'il y a la force de ce qui est raconté par le film, mais c'est surtout d'abord et avant tout une vraie œuvre de cinéma, de mise en scène. D'abord, on y mélange le documentaire et un aspect plus nerveux de la fiction américaine. Il y a un noir et blanc extrêmement léché, oui, atemporel, mais aussi universel. Et puis, il y a surtout un montage qui est formidable. Donc, c'est 24 heures divisées en séquences où on mélange de l'humour, de l'explosivité, un peu plus de léthargie, avec ce rythme TikTok de la bombe à repas. à retardement qui crée un suspense, les références cinématographiques qui pullulent dans le film. On l'a entendu au début, l'extrait de Vincent Cassel qui se parle dans le miroir, c'est un clin d'œil à Taxi Driver. On pense beaucoup à Spike Lee, on pense aux sept mercenaires, et puis ces jeunes acteurs inconnus à l'époque qui sont dans la vingtaine, qui ont une spontanéité, un humour, qui se mettent dans la bouche des dialogues à la fois naturels, vivants, très drôles. Tout ça fait que La Haine reste vraiment un film de cinéma remarquable. Ouais. Il a eu 25 ans il y a peu de temps, en 2020, donc La Haine, je le disais au tout début de l'émission, ressorti en salle, donc restauré pour son 25e anniversaire. On écoute Mathieu Kassovitz parler de cet événement, de la ressortie, si je puis dire, du film. Il en parle à Pascal Clark en août 2020 à l'émission Culture Média diffusée sur Europe 1. La Haine. 25 ans après sa sortie Hypercute, le film de Mathieu Kassovitz revient sur les écrans dans une version restaurée. Entre-temps, il est devenu un classique, avec des répliques et des scènes cultes, et l'on ne parierait pas que ces thématiques soient totalement dépassées. Bonjour Mathieu Kassovitz. Bonjour Pascal. Merci beaucoup d'être en ligne. La Haine à 25 ans. Quel est votre regard personnel sur ce film? Est-ce que c'est un étonnement? Est-ce que c'est une fierté d'avoir écrit, réalisé et même monté ce film-là qui est entré dans l'histoire du cinéma? Oui, c'est une très grande fierté. C'est toujours un privilège de pouvoir faire quelque chose qui reste dans les mémoires. Mais on a eu beaucoup de chance, on a eu une équipe très serrée, on a eu un sujet qui nous a tous tenus en haleine et on était en mission pour faire passer un message. Donc on a réussi notre coup, c'était un vrai travail d'équipe et j'en suis très fier. On vous en parle encore souvent, jour après jour, peut-être pas tous les jours, mais enfin, de ce film-là, La Haine, on vous branche encore là, sur ce film? Jour après jour. Sérieux? Depuis 25 ans. C'est absolument incroyable. C'est pour ça que j'ai pensé vraiment qu'il fallait qu'on fête ces 25 ans, parce que je me suis rendu compte à quel point ce film pouvait être important pour des gens. Je me suis fait accoster par des gamins de 15 ans et par leurs parents aussi, donc c'est assez étonnant et je suis content de voir que ça a toujours un impact aujourd'hui, enfin malheureusement. Par rapport à l'actualité, je ne suis pas content, je suis content pour le film, mais le film est toujours d'actualité malheureusement. Le film La Haine est donc ressorti en salle pour son 25e anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut dire, Hélène Faradji, avec le recul du temps de ce qu'il est devenu, ce film? Est-ce qu'il a bien vieilli? Mais Kassovitz a raison, c'est que chaque anniversaire du film rappelle la pertinence du propos de La Haine. La violence policière est toujours là, la situation dans les banlieues, elle ressemble toujours à une cocotte minute. On a même l'impression que ça s'est aggravé si on regarde un film comme Les Misérables de Ladji, oui, qui est sorti il y a 2 ans, qui reprend un peu cette idée de qu'est-ce qui se passe en banlieue aujourd'hui, mais qui nous le montre avec des enfants de 13 ans. Donc c'est vraiment comme si les choses étaient allées de pire en pire dans les banlieues. Maintenant, et ça reste un film qui a marqué son époque, mais continue à très bien vieillir. Pourquoi ? Parce que c'est une belle œuvre de cinéma. C'est un film qui n'est pas daté dans le temps, qui reste aujourd'hui toujours pertinent, toujours d'actualité. Je pense que Kassovitz le sait aussi, il n'a rien fait depuis qu'il y ait eu cette force et cette pertinence-là. Et puis bon, il y a eu des projets de suite, évidemment, du côté de la production. On aurait aimé peut-être La Haine 2 ou qu'est-ce qui se passe avec ces trois jeunes hommes des années plus tard. Mais ça n'a jamais vraiment abouti parce que ce film-là, je pense, suffit vraiment à lui-même. Hélène Faradji, chroniqueuse cinéma et dimestre à la section cinéma du site web de Radio-Canada, c'est toujours un immense bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.